Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette deuxième émission, nous avons l'honneur, le plaisir, le privilège de recevoir Nietzsche, Félix Nietzsche. Félix, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un membre historique d'Égalité et Réconciliation, écrivain, penseur, poète. Vous êtes édité chez les éditions Contre-Culture. Parmi vos ouvrages, on citera Ex-France, Fragrance Feminae, Vis Comica, Arabesque, CCCP et autres chutes, ainsi qu'un recueil de poésie, mais nous aurons l'occasion de parler plus en détail de vos livres tout à l'heure. D'accord. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon complice, Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Félix, bonjour à tous. Salut Xavier. Alors parlons un peu du concept de cette émission. Elle va durer une heure, l'heure la plus sombre, durant laquelle nous traiterons de différents sujets d'actualité, commentés par notre invité de la semaine, Félix Nietzsche. La deuxième demi-heure de l'émission lui sera ensuite consacrée. Nous parlerons entre autres de son parcours et de ses livres. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Ben oui, enfin, c'est parti. C'est parti. Premier thème d'actualité dont nous allons traiter, la rentrée scolaire. Lundi dernier, c'était la rentrée des classes et il semble qu'il y ait du nouveau, Xavier. Oui, il y a du nouveau dans le recrutement des enseignants, ou plutôt, on va les appeler comme ça, c'est la novlangue de l'éducation nationale, la novlangue socialiste, les emplois à venir professeurs, c'est leur nom, qui viennent tout doucement remplacer les enseignants à l'ancienne. Donc, sous la houlette de Najat Vallaud-Belkacem, les enseignants deviendront des animateurs, et donc ils sont plus censés éduquer nos enfants, les programmes scolaires seront allégés, donc moins prescriptifs. C'est-à-dire moins contraignant. Ce sujet est traité avec plus de précision dans un article diffusé sur le site d'Égalité et Réconciliation, un article de Mediapresse Info, il me semble. Félix, je crois que vous êtes lié au corps enseignant, qu'en pensez-vous ? Oh, j'ai été un peu prof, oui, un prof de collège. J'en pense, d'abord, la première chose que je pense, c'est qu'il y a une différence entre Peillon, entre la réaction, parce que Peillon et Hollande ont réussi ce tour de force à se mettre à dos leur électorat naturel, c'est-à-dire les enseignants à l'époque de Peillon, c'était sans arrêt des grèves sur sa fameuse réforme des rythmes scolaires. Hein, dont, en fait, cette réforme des rythmes scolaires qu'on appelait les décrets Peillon, c'était pour instaurer une école différente d'une commune à l'autre. C'était foutre une pagaille noire. Hein, c'est territorialisé pour ça. Mais là, Peillon, il s'est heurté à des grèves. Quoi. Et je vois qu'il y avait Belkacem, non. Je note que l'injonction de ne pas la toucher, de Cambadélis, hein, s'en prendre à Belkacem, c'est raciste et misogyne, tout le monde le sait. Mais bon, c'est peut-être que partie remise et que les enseignants vont se battre, parce que c'est une authentique catastrophe. C'est que elle approfondit, elle aggrave les décrets Peillon, et puis en plus, comme tu l'as dit, elle ajoute sa petite touche personnelle. C'est-à-dire que l'enseignement de l'islam restera obligatoire, mais l'étude de la chrétienté au Moyen-Âge, hein, et ce qui réjouira, excusez-moi, Marion Sigaud, l'époque des Lumières aussi, zappe, liquidé. C'est facultatif, vous vous rendez compte. Cela dit, c'est pas ça qui dérange le corps enseignant. Le divorce entre le Parti Socialiste et le corps enseignant remonte à l'époque de Jospin, avec notamment Allègre et le Mammouth. Oui, bien sûr. Et on avait dit qu'en 2002, Jospin n'était pas passé au deuxième tour, car il lui manquait les voix du corps enseignant qui s'étaient reportées sur Chevènement. Et là, récemment, on a un sondage a révélé que les enseignants se reporteraient sur Bayrou. 2002, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, on n'a peut-être pas le temps, mais c'est essentiellement la classe ouvrière qui s'est abstenue à cause du rétablissement du travail de nuit des femmes dans l'industrie, de la levée de l'interdiction du travail des enfants et des privatisations énormes du gouvernement Jospin. Ce qui fait que Jospin, l'État ne peut pas tout, avait dit. Et effectivement, les enseignants phrase, aussi hein. Se sont abstenus. Voilà. Ça, c'est historique, c'est vrai, je suis d'accord, mais en partie, et aussi la classe ouvrière n'a pas apprécier le rétablissement du travail de nuit des femmes dans l'industrie, ça a été totalement emblématique. Notons que c'est le même gouvernement d'ailleurs qui a fait la parité. C'est très intéressant hein, de se souvenir de ça, que le même gouvernement qui d'une main rétablit le travail des femmes dans l'industrie, de l'autre crée la parité. Donc ça montre la nature exacte du féminisme, hein. Voilà. Son essence. Donc c'était le sujet de la rentrée scolaire, un sujet qui s'impose et on On salue tous nos très jeunes auditeurs qui effectuent leur rentrée. Bon courage à vous. Alors deuxième... Attends, je peux dire juste un mot amusant sur ça. Car le grec et le latin sont une sorte d'enfermement dans la culture, déclarait la consœur de Belkacem, Fleur Pellerin. C'est un enfermement dans la culture. Parce que justement, Félix, mais c'est la ministre de la Culture. Là, quel est le projet fondamentalement de ces réformes? Détruire, décomposer, pourrir. Aujourd'hui, le capital financier ne veut plus de nation, ne veut plus de corps enseignants, n'a plus besoin d'un prolétariat un minimum organisé et instruit. Ce qu'ils veulent, c'est que la France devienne une pouillerie, un abêtissement. Des consommateurs. Oui, c'est au service du capital financier, ce sont des politiques strictement de destruction de destruction de la fonction publique et aussi de faire des écoles des lieux de pourrissement. Et à ce propos, j'ai envie de réagir sur un article que vous avez passé sur le site avec lequel je suis en désaccord profond. C'est un article du Boulevard Voltaire dans lequel on dit si elle fait ça, Belkacem, c'est parce qu'elle est socialiste et qu'elle est égalitaire. Ben, c'est exactement le contraire. C'est une young leader ultra-capitaliste. D'ailleurs, à se demander s'il n'est pas encore lié. Enfin, sur un site marocain, on se demande si Najat Belkacem est toujours lié à un bidule auquel elle appartenait, qui avec le roi du Maroc. Donc c'est une femme, elle est au PS, mais ça n'a rien à voir avec les socialismes. D'autant plus que cette réforme a été préparée par Sarkozy dans son mandat précédent. Bien évidemment. Puisqu'il avait organisé le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite. Et donc forcément, ces fonctionnaires qui manquent maintenant en éducation ne seront pas remplacés, mais remplacés en fait par des contrats précaires. Par des contrats précaires, par des trucs à la con. Donc 15 000 emplois créés, mais en fait des emplois précaires, moins bien formés. Mais enfin bon, réjouissons-nous quand même, mettons une note sympa, c'est que Najat Belkacem n'est pas non plus dépourvue de bon côté, puisqu'elle veut que les petits garçons apprennent à faire pipi assis et qu'elle prépare des mesures comme ça dès la maternelle. Vous le savez, ça, quand même. Hein, que le gendeur va s'enseigner dès la maternelle. Ouais, c'est un autre sujet. C'est très intéressant. Ah non, c'est le même sujet. Hein. C'est le même sujet. Hein. Alors, deuxième actu, chers auditeurs, nous allons maintenant aborder le thème qui occupe l'attention des médias, les migrants, suivant le terme consacré. Xavier ? Oui, le terme consacré est pour parler de ce thème des migrants. Donc le terme est à mettre bien sûr entre guillemets. Il faut replacer le débat dans son contexte, son contexte historique, et qui est la problématique de l'immigration. La problématique de l'immigration, c'est elle-même la problématique de la démographie française. Alors Félix Vincent, je vais me permettre de faire un petit retour en arrière. Je t'en prie. Sur cette évolution de la démographie française, la France a fait sa transition démographique, comme disent les démographes au 19e siècle. Alors la transition démographique, c'est un phénomène de baisse de la natalité et de baisse de la mortalité qui entraîne d'abord une augmentation de la population, puis une stabilisation. Et la France a achevé cette transition démographique à la fin du 19e siècle, dans les années 1890. Et grosso modo, la population française est restée stable jusqu'en 1960, à 40 millions. Alors 1 million en moins certainement pour la Première Guerre mondiale, 1 million en plus pour le baby boom. 2 millions de morts. 2 millions, enfin... Ah oui, pardon. Pour la Première Guerre mondiale, le baby boom, tout ça s'équilibre. En 1960, on est toujours à 40 millions. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60 en termes démographiques? On a eu... une révolution hédoniste dans ce qu'on pourrait appeler le monde blanc. C'est toi qui le dis, que c'est hédoniste. Une révolution qui est consacrée en France avec mai 68. Qui a entraîné, une natalité très faible. Une natalité très faible. Or, la population française est passée entre 1960 et aujourd'hui de 40 à 66 millions de Français. Bah c'est l'immigration, ça. Donc l'apport est essentiellement dû à l'immigration. Mais l'immigration, c'est pas un phénomène qui est arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Une volonté politique. Ah oui. C'est une volonté des élites politiques. Alors on va citer deux dates. Le regroupement familial en 76, la loi Guigou. Et par ailleurs, dans le même temps, les élites politiques ont interdit toute critique de cette politique. Bien évidemment, c'est le racisme. Ça a été le racisme, l'incitation à la haine raciale avec la loi Pleven de 72. Donc ce processus a été imposé aux Français et a entraîné une transformation radicale de la composition ethnique du peuple français. Mmh. Alors aujourd'hui, on a les sondages bidons du genre « on ne se sent plus chez nous comme avant ». Vous voyez, on prend vraiment les gens pour des cons. Et donc, tout ça, ça a continué avec, en 2008, le fameux rapport Attali, la commission Attali. Parce qu'on a reproché à Sarkozy de se faire élire avec les discours de Buisson, mais ce qu'on a oublié, c'est qu'il a gouverné avec les préconisations de la commission Attali, dont un des piliers était Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui ministre socialiste de l'économie. Et une des principales préconisations de la commission Attali était la relance de la croissance par l'immigration. Mmh. Donc, l'immigration est une volonté politique qui est un phénomène majeur aujourd'hui en France. Et pour faire accepter cela au peuple, qui a toujours été opposé, on a opéré une évolution sémantique. C'est-à-dire que d'abord, on a dit les étrangers, ensuite, ça a été les clandestins, après, ça a été les sans-papiers. Tu dois te rappeler de l'histoire des sans-papiers, de l'église Saint-Bernard avec Emmanuel Béart, le chantage émotionnel. Et aujourd'hui, on a deux termes principaux pour désigner ce phénomène, c'est les migrants et les réfugiés. Alors les migrants, c'est un terme qui contribue à faire croire que le phénomène est naturel. Parce que les migrants, c'est comme les oiseaux migrateurs, après tout, on ne peut rien y faire, c'est des migrants. Et les réfugiés, c'est le chantage émotionnel. Alors, pour situer le chantage émotionnel, par exemple, dans Le Monde, on a Guy Sorman qui a publié une tribune qui s'intitule « Les réfugiés d'aujourd'hui me rappellent mon père fuyant le nazisme ». Vous voyez, là, on est vraiment dans le chantage émotionnel. Très amusant. Voilà. Puis le chantage émotionnel donc, aussi par cette photo qu'on a vue. Et voilà, et principalement par cette photo d'un enfant de 3 ans un enfant syrien de 3 ans échoué sur une plage en Turquie. Qui a laissé sans voix Bernard-Henri Lévy, voilà, qui n'a jamais autant parlé. Alors, après avoir été sans voix, vous l'avez tous noté. Qui s'est étalé à la une de tous les journaux européens, de toutes les chaînes de télévision. Le Monde a titré « L'Europe sous le choc après un nouveau drame ». Donc vous avez l'enfant mort, là c'est vraiment le chantage émotionnel. Et Bernard-Henri Lévy, toujours lui, a déclaré sur BFM TV « Le débat est tranché ». Alors, je n'ai pas l'impression que ce soit tranché pour vous, Félix, puisque moi, vous avez publié tout le monde, là, je crois, hein. Un article sur votre site, dont on recommande la lecture, Le Petit Quimonte Illustré. Oui, j'ai fait un article, j'ai réagi spontanément à l'inénarrable sottise de Bernard Botul, hein, je viens de le dire, sans voix, mais qui n'a jamais autant causé. D'autant que même un type comme Onfray, qui n'est quand même pas de notre courant de pensée politique, l'a noté, quoi. C'est absolument abominable que des gens qui ont participé à la destruction de nations, par exemple Bernard Botul, on sait très bien son rôle pour la Libye. Aujourd'hui, il n'y a plus de Libye, hein. Il n'y a plus de Libye. On ne peut même pas dire que c'est une Libye détruite. Il n'y a plus de Libye. C'est une porcherie. C'est un chaos sanglant livré à des mafias. Et il est un peu normal que des gens se barrent. Donc ce type qui est responsable, il veut en plus qu'on ouvre nos frontières. J'ai trouvé ça absolument odieux de sa part. Vous voyez, même Onfray a la même réaction. Quand on sonde, mais c'est un peu le même procédé que pour Gaza, si on réfléchit. Vous avez l'Israël qui régulièrement extermine et détruit Gaza, et puis les Européens reconstruisent. Maintenant, pour la plus grande gloire de l'Israël, parce que détruire l'Irak, la Libye, la Syrie, demain le Liban, et ils cherchent l'Iran, c'est le plan Yinon, hein, de 1980 qui s'applique strictement et à la lettre. Eh bien, pour inspiré du Deutéronome aussi. Quand même. Ça, je ne sais pas, mais c'est aussi un plan qui permet de faire le grand Israël, blablabla. Bla, bla, bla. Je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas tellement le sujet, mais quand même, c'est pareil. Et aux Européens de reconstruire Gaza, et maintenant aux Européens d'accueillir ces gens qui sont réellement des malheureux, finalement. Et hein. Qui, en fait, vont Parce servir... Parce que, si tu permets... Un instant, je voudrais faire un départ, une distinction quand même entre l'immigration que nous avons connue... Donc tu as très bien montré que son origine, c'est une volonté politique de submersion des Européens. Et non un phénomène naturel. Et non un phénomène naturel. Mais là, il y a une autre raison. C'est la destruction de la Libye, de la Syrie, qui met sur les routes des centaines de milliers, peut-être des millions, de malheureux. Bon, mais ce n'est pas à nous de les accueillir. Qu'ils aillent donc chez Bernard-Henri Lévy dans ses nombreuses résidences, ou en Israël, ou je ne sais pas où, mais pas là, quoi, ou en Arabie Saoudite. C'est vraiment c'est vraiment tout à fait une honte. Voilà. Et puis parlons un peu aussi de l'intérêt économique qu'ont nos gouvernants à faire venir cette masse de gens qui en fait vont servir de force d'appoint sur le marché du travail et qui vont permettre une baisse... Un dumping social, bien sûr. Je ne crois pas dans ce genre de... Non, je ne pense pas. Je pense que ça va pas... Ça, c'est fini. L'époque du dumping social. Là, je pense que c'est vraiment consciemment et de façon délibérée la submersion des nations. D'accord. Ces gens-là vont participer à installer, de faire de nos anciennes nations historiques des pouilleries merdiques. Je ne dis pas que les gens qui arrivent sont des pouilleux merdiques. Je dis que ce bordel va accentuer. Ce sont des gens qui militent pour le chaos. Parce que maintenant, il faut en finir avec les nations historiques. Je t'en prie. C'est aussi la création d'une nouvelle humanité. C'est-à-dire, c'est la phrase de Sarkozy, la France doit relever le défi du métissage. Oui, enfin, le métissage est autre chose, quoi. Enfin, la livraison du plus beau cheptel femelle aux arrivants aussi. Moi, je crois plutôt à ça qu'au métissage. Je crois plutôt à la castration qu'au métissage. Mais ça ne concerne que... Alors, troisième actualité, chers auditeurs, revenons à ce paradoxe incroyable qui est de devoir accueillir les migrants dont nous parlons, ou les réfugiés qui sont potentiellement des musulmans, alors que dans le même temps, le discours de l'exécutif s'est radicalisé concernant l'islam, au point que le Premier ministre Manuel Valls parle de guerre des civilisations, Xavier. Oui, c'est ce qu'Orwell appelait, je crois, le double mind, c'est-à-dire un système d'injonction paradoxale. Alors, qu'est-ce qu'un système d'injonction paradoxale ? C'est deux injonctions contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on vous dit pas d'amalgame, donc ça c'est Cambadélis, et puis vous avez le secrétaire d'État au transport Vidalis qui valide les contrôles aux faciès, et Alain Jakubowicz, qui décide de ce qui est raciste ou non en France, valide cet argumentaire. Donc, vous avez d'un côté le pas d'amalgame, et d'un autre côté, Manuel Valls qui vous dit que la guerre de civilisation a commencé. Le pape qui dit au Congrès juif mondial que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Donc, on est en guerre, mais pas d'amalgame. Donc ça, c'est un système de deux injonctions contradictoires, donc c'est qui forme le système d'injonction paradoxale, qui est un argumentaire développé par les régimes totalitaires pour faire disjoncter la raison du peuple et obtenir son consentement. Félix, n'est-on pas dans une guerre psychologique faite au peuple par une gouvernance du chaos dans les esprits ? Oui, je n'avais pas pensé. Tout ce que tu viens de dire, c'est tout à fait pertinent. Et évidemment, il y a cet aspect. Effectivement, il y a une injonction paradoxale. Je ne l'avais pas noté. J'ai plutôt tendance à être très identitaire sur ces sujets. Je n'avais pas vu qu'il disait que c'est la guerre des civilisations. J'avais bien noté qu'il disait pas d'amalgame, les musulmans sont nos amis. Je m'appuie quand même sur le fait qu'on est quand même les alliés privilégiés de toute la racaille croyancieuse qu'on balance sur des pays antisionistes. Donc le gouvernement, allez, je vais modérer mes expressions, mais cette horreur de gouvernement que nous subissons, et en plus un gouvernement d'assassins et de criminels, parce qu'ils ont armé jusqu'aux dents les gens pour détruire la Syrie, par exemple, pour faire. Et donc ils sont liés à l'islam quelque part, enfin un islam qu'on peut appeler sunnite, c'est le mot, sunnite, l'islam dominant quand même chez nous. Et en même temps, ils nous disent ça, ouais, c'est vrai. Donc, ça rappelle l'affaire Charlie Hebdo, finalement, en plus grand, quoi. Koulibaly et l'autre, là. Sauf les enfants à la mamelle, pourraient penser qu'ils ont pu fomenter cet attentat comme ça, quoi. Hein. Ça, c'est une théorie du complot. Hein. J'ai pas dit que c'était pas eux. Mais bon, on voit bien qu'ils ont bénéficié au moins d'un certain laxisme policier, hein, s'armer comme ils le font, ce qu'ils ont fait, etc. Donc ce gouvernement est extrêmement douteux. Oui, ce que tu dis, oui, c'est possible qu'il cherche à nous rendre fous. Il y a un psychanalyste qui avait écrit un livre, L'effort pour rendre l'autre fou. C'est peut-être le cas, peut-être qu'ils l'ont lu aussi. Mais je pense pas que ça marche. Je pense que Charlie, c'est fini. Hein. L'effet Charlie, à mon avis, il est retombé comme un vieux soufflet pourri. Et je crois que les gens... Il y a quand même un effet d'accumulation. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que régulièrement, avec les chaînes d'infos en continu, notamment, qui sont devenues la principale sources d'informations. On a des espèces de feuilletons en boucle live avec, vous avez l'expert du terrorisme, l'expert de l'armement, le machin, le truc, les analystes, et ça tourne en boucle sur, vous avez l'affaire du Thalys par exemple, alors là c'est le combo quoi. Avez tout, vous avez le train de la mort, les militaires américains, les Européens qui se chient dessus, et Jean-Hugues Anglade, et Jean-Hugues Anglade au milieu de tout ça, enfin, des trucs absolument délirants. Et alors c'est en boucle, et un attentat, un événement appelle l'autre, quoi. C'est une cavalcade médiatique infernale. Ils nous maintiennent dans un état de pré-terreur. Et donc Félix, comment tout ça peut se terminer selon vous? Oula, comment le saurais-je? Là, je suis pas, je peux pas lire dans le marc de café. Disons que c'est très mal barré, hein. Parce que bon, mais en même temps, il y a des aspects positifs. Ne serait-ce que nous-mêmes, vous voyez, en tant qu'association, on existe. C'est un inédit, c'est une singularité. En même temps, on progresse. Hein. Il y a une lutte des classes objective. Hein. Je parle pas subjective, mais qui se produit. On parlait des enseignants tout à l'heure, la colère des paysans. Il y a, parce que il faut, là, on est un peu dans l'aspect superstructure, mais idéologique, je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a la loi Macron, il y a le pacte de responsabilité, ils affrontent la population. C'est un gouvernement de guerre civile, et qui ne tient, là, sur ces questions, que par la complicité des organisations syndicales. Donc, pour répondre à ta question, il y a des éléments très négatifs et d'autres de résistance. D'accord. Je ne peux pas dire mieux. On a juste l'impression d'une espèce de pression médiatique pour masquer d'un carnage qui vient pour masquer l'échec d'une société d'un point de vue social. C'est que cette société qui, déjà, ses fondements, ses fondations sont absurdes, puisque tout le travail des hommes, toute la production va maintenant dans des institutions à 100% parasitaires. C'est même plus le grand capital d'autrefois qui était générateur quand même d'un mouvement économique. Là, c'est le parasitisme absolu. Et donc, tout le travail humain, tout l'effort humain va pour des coffres forts de mafieux. C'est insupportable, la base. Donc, il est normal aussi que la superstructure de cette base insupportable soit aussi insupportable. Alors, quatrième actualité, chers auditeurs, cet été, Patrick Drahi a finalisé le rachat de Next Radio TV, la société d'Alain Veil, qui comprend BFM TV, RMC, entre autres. Ce milliardaire israélien s'impose comme le plus gros mania des médias en France, avec un consortium qui regroupe Libération, L'Express, L'Expansion, I24 News et donc justement BFM TV et RMC. Une concentration médiatique à côté de laquelle Alain Perfit et l'ORTF font pas le figure, n'est-ce pas, Xavier? Oui, alors ça c'est un sujet qui continue ce dont on parlait par rapport au système médiatique, c'est-à-dire que là, c'est clair, c'est-à-dire qu'il faut savoir que Patrick Drahi a été mandaté par le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou pour monter I24 News, qui est le France 24, si on veut, israélien. D'ailleurs, ça a été monté avec celui qui a monté lui-même France 24, qui s'appelle Franck Melloul et qui travaillait à l'époque au cabinet de Dominique de Villepin. Donc, comme tu l'as dit, Vincent, ça ferait pas lire l'ORTF quand on voit ce groupe médiatique qui contrôle Libération. Ça en fera rire plus d'un. Oui, L'Express. Oui. BFM TV et RMC, donc c'est le groupe Next Radio TV qui a été monté par Alain Veil, donc qui en garde la direction. Alors Patrick Drahi, c'est un milliardaire dont la fortune est absolument exponentielle, qui s'enrichit sur un système de LBO, comme on dit dans la finance, c'est-à-dire que en fait il emprunte énormément pour pouvoir racheter. Donc c'est une sorte, ça ressemblerait presque à une pyramide de Ponzi. Alors le terme n'est pas exact parce que c'est pas tout à fait ça, mais on sent que c'est un système qui peut un jour ou l'autre se casser la gueule. Donc c'est assez une espèce d'ironie de voir qui contrôle les médias aujourd'hui en France. C'est le plus gros groupe de médias en France. Ah oui, carrément. Ouais. Bon. Une réaction, Félix? Ça te laisse sans voix. Ah ben oui, mais d'abord je savais pas tout ça, mais oui, je suis ravi de le... Enfin, je suis pas ravi de l'apprendre, mais c'est le grand remplacement. Vous savez, on nous emmerde avec le grand remplacement, là. Enfin, j'aime pas cette expression, parce qu'elle n'est pas vraie finalement. Mais dans le règne de la quantité, dans le règne de la quantité, pour parler comme Guénon, hein, mais il y a un grand remplacement qui me paraît bien silencieux dans, la verticalité, dans les, dans l'élite, je veux dire. Mmh. C'est devenu la sixième fortune de France en moins de deux ans. Et là, on l'a vu en une du magazine Challenge, qui lui consacrera un gros dossier. Et je signale qu'une biographie détaillée de Patrick Drahi, pour les gens que ça intéresse, est disponible sur le site d'Égalité et Réconciliation, avec tout son système d'ascension, comment il a fait fortune dans le câble, en câblant avec des chaînes arabes les HLM. D'accord. Voilà, donc... La boucle est bouclée, si j'ose dire. Oui, oui. Voilà. Ouais. Alors, cinquième actu, on reste sur le thème des médias, avec le sujet de Street Press. Striptease. Street Press. Street Press. Donc, est sorti le 2 septembre chez Calman Levy une enquête sur le facho business d'Alain Soral, réalisée par l'équipe de Street Press. Donc, par qui cette enquête a-t-elle été commanditée, Xavier? Je crois que tu as ta petite idée. Oui, alors c'est écrit par deux journalistes, c'est édité par Calman Levy, avec justement ce média qui revient, qui s'appelle Street Press. Alors les gens ne savent pas qui c'est un petit site internet qui vivote, qui est dirigé par Jonathan Miara. Et à la fondation de Street Press, Actualité Juive avait relayé, à l'époque ça s'appelait Street Reporter, avait relayé la fondation de ce média en expliquant que c'était un média fondé par des membres de la communauté juive liés au Parti Socialiste. L'Actualité Juive qui décrit Street Press comme ça. Et alors, c'est monté via des soutiens financiers, un partenariat avec l'Open Society, notamment de George Soros. Le patron Jonathan Miara a suivi une formation à l'Ariane de Rothschild Foundation. Et toute l'équipe donc, qui est dirigée par Jonathan Miara est chapeautée par Patrick Veil, qui est un vieux routier de la politique, qui est membre du Parti Socialiste et qui est le penseur de la politique d'immigration du Parti Socialiste. C'est notamment la loi Guigou de 98 qui a annulé la loi Pasqua-Debré, qui était plus restrictive en matière d'immigration. La loi Guigou a été inspirée par les travaux de Patrick Veil. Donc on est là face à un site bon, qui vivote, hein, on ne va pas non plus leur faire de pub, mais qui est intégralement piloté par la haute finance et le gouvernement. C'est l'exécutif et la haute finance. Je veux dire, il n'y a rien de plus clair. Alors après, le livre en lui-même est assez anecdotique. Je crois que tu t'es infligé cette lecture, Vincent. Malheureux, Vincent. C'est exactement le terme. Je me suis infligé... cette soi-disant enquête, alors que dire? Bon, c'est un mélange grossier d'informations fausses et de fausses coupes, toujours sourcées de façon assez étrange, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Que ER a cherché à s'organiser pour modifier des articles sur Wikipédia, Félix? C'est du scoop, ça. Ça, je ne savais pas. C'est du facho business. D'autant plus qu'en réalité, cette cellule n'a jamais vu le jour, il faut le savoir. Donc ils sont partis d'un PDF qui est vrai, qui a été diffusé sur Internet, qui existe, qui date de 2010, pour dénoncer des actions qui ne se sont en réalité jamais produites. C'est un exemple parti... Oui, Xavier? Oui, puis c'est la base de l'action politique aujourd'hui que de modifier les pages Wikipédia. Je pense que tout militant, toute c'est organisation... C'est ce qu'on appelle les guerres éditoriales, souvent sur Wikipédia, vous voyez, cet article subit actuellement une guerre éditoriale. Vous pouvez être sûr qu'il y a un gauchiste contre un nationaliste, et voilà. Bon, c'est un pétard mouillé. Et donc aussi, ils accusent Alain Soral d'éditer des livres, de gagner de l'argent, excusez-le. C'est dégueulasse de gagner de l'argent. D'avoir créé des sociétés, de faire vivre des dizaines de personnes. Donc on est dans la version accusatoire absolue. Bien sûr. Parce qu'en fait, Xavier, tu as très bien rappelé qui finance ces gens. Il faut d'ailleurs préciser que les chiffres qu'ils montrent en fait, dans leurs articles, dans le livre, sont très largement surestimés. Donc un exemple précis, page 84 du livre, ils écrivent « Entre juillet 2014 et mars 2015, au rythme d'un entretien par mois, ER aurait encaissé 50 000 euros, soit 5 555 euros par interview, c'est-à-dire 9 interviews. Or, dans cette période, il n'y a que 3 émissions payantes qui sont sorties. Cela, chacun peut le vérifier hein, en deux clics sur Internet. Donc voilà la qualité scientifique de l'enquête que nous propose Street Press. Donc je ne vais pas aller plus loin, des exemples comme ça, il y en a tout le long du bouquin. Donc ce sont surtout des attaques personnelles basées sur des mensonges mal sourcés, des fausses coupes. Donc, chers auditeurs, ceux qui parmi vous veulent connaître la vie d'Alain Soral, mieux vaut se reporter directement à ses livres, puisque dans ses bouquins, vous le savez tous, il raconte tout. Mais alors la question qui vient naturellement, Xavier, c'est pourquoi font-ils tout cela ? Bah, je pense qu'il y a un plan média qui est assez rodé. On a vu leur réseau. Il n'est pas impossible qu'ils aient un plan média qui soit assez performant. Je pense que les ventes suivront pas forcément, déjà parce que les livres de journalistes se vendent assez mal. Donc, à la limite, ils vont sûrement faire 2-3 émissions. Ça amènera des gens sur le site. Enfin, vraiment, aucun problème. Merci pour la publicité. Hein. Mathieu Mollard et Robin D'Angelo. Voilà, donc on leur passe un grand remerciement pour cette publicité. Ils accusent cette publicité gratuite de ce qu'ils font eux-mêmes en publiant ce livre. Ouais. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, nous allons nous accorder une petite pause musicale. Nous allons écouter le morceau intitulé Vienna de Gilad Atzmon, tiré de l'album Song of Metropolis du label Contre-Culture Music. Bonne écoute et à tout à l'heure. Thank you. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de ERFM, l'heure la plus sombre, toujours avec notre invité de la semaine, Félix Niche. Alors Félix, nous allons maintenant apprendre à vous connaître, vous, votre œuvre. Tant pis pour vous, hein, vous l'aurez voulu. Votre œuvre qui est pour le moins atypique. Hein. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout comme votre parcours. Oui. Et pourtant, les auditeurs ne vous connaissent pas ou peu. Donc Xavier a enquêté sur vous. Donc Xavier, tu as enquêté sur moi. Oui, j'ai mâché le boulot de Street Press. D'accord. Voilà. Je m'en suis même pas rendu compte. J'étais truffé de micro. J'aurais filé mes fiches et tu verras, tu seras dans le tome 2. Ah, super. Alors, Félix, hein, vous êtes né en 1955, père d'origine luxembourgeoise, directeur de banque dans le sud-ouest de la France. Oui. Votre mère est basque, elle est femme au foyer. Oui. C'est la bonne bourgeoisie de province, ça. Ouais, la petite bourgeoisie. Ma mère est fille d'ouvrier. Hein. Ah, alors... Tout va bien. Ah ouais. Mes grands-parents que j'ai connus sont deux ouvriers. Élève intelligent mais paresseux, vos parents vous inscrivent chez des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétaram. Notre-Dame du Sacré-Cœur, ça s'appelait. Voilà, donc c'est. Faites votre collège chez les Bétaramistes. Oui, c'est comme François Bayrou. Oui, il y a été, paraît-il. Ouais. Mmh. À Bétaram et puis à Cendrillon, à Dax, c'est les mêmes enseignants. Après 68, alors que vous avez 14 ans, vous perdez votre foi. Ouais, voilà, je me suis fait virer Après m'être fait virer de l'enseignement public, je me suis fait virer de chez les curés. Oui, parce que vous êtes un rebelle, vous engagez d'abord. Non, non. Oh, si, un peu. D'abord à l'ORA, l'Organisation Révolutionnaire Anarchiste. Oh, il a enquêté. Ah bah. Quand vos camarades de classe sont plutôt portés sur l'Action Française. Agitateur, vous êtes finalement viré de chez les Bétaramistes en classe de première. Vous vous retrouvez à Mont-de-Marsan. Oui. Vous êtes récupéré par les trotskistes et vous rejoignez le Front communiste révolutionnaire, une reconstitution de la Ligue communiste. Oui. Donc c'est aujourd'hui le NPA, hein, qui a été dissoute après la fameuse attaque d'un meeting d'ordre nouveau à la mutualité en juin 1973. C'est un événement qui vous marque, ça, cette bagarre chevaleresque entre trotskistes et nationalistes. C'est vrai, j'avais trouvé ça très beau. C'est très esthétique quand on voit les vidéos. Oui, vous remarquerez que le service d'ordre de la Ligue, d'ailleurs c'est un ancien d'ordre nouveau qui l'a dit à Radio Courtoisie, c'était pas des gonzesses. Hein. On a 80 flics à l'hôpital, hein. C'était pas les Antifa. Quoi. Ouais. J'ai un ancien d'ordre nouveau qui est ce qu'on peut appeler les camarades des antipodes, comme dit notre ami Cousin, hein. Avait une certaine estime que je partage. L'estime du combattant. Réciproque. Ouais. Et c'est amusant tout ça, c'est dépassé, c'est périmé, c'est marrant. Continue, excuse-moi de t'interrompre. C'est une époque, hein, c'est une époque. Le bac, une fois que vous avez le bac, vous inscrivez à la fac à Pau. Hein, mais vous n'irez pas en cours, vous êtes complètement happé par le militantisme. Vous vous levez aux aurores pour aller distribuer la taupe rouge à l'entrée des usines. Vous enchaînez sur des collages, vous mettez les lycéens en grève. Oui. Vous organisez les cercles rouges, vous êtes un véritable révolutionnaire professionnel, comme on dit à l'époque. C'était notre ambition. Oui, j'ai vécu ça. Une vie de révolutionnaire professionnelle. Vous pouvez nous expliquer, parce que les générations actuelles ont un peu de mal à s'imaginer. À l'époque, il n'y a pas Internet, tout se joue dans la rue. Oui, ça ne peut pas être compris, je m'en rends compte. Là. C'est pour ça que j'en parle jamais, parce que beaucoup de choses ont disparu, qu'ils ne peuvent plus se comprendre. C'était des années de militantisme révolutionnaire qui ont été une sorte d'école de formation sans équivalent. De par la rigueur, de par la discipline, de par le niveau d'analyse est exceptionnel, je l'affirme. Qu'on essaie de se représenter notre type d'organisation, il faudrait que vous sachiez que nous étions organisés en plusieurs secteurs d'intervention, déjà. Secteur ouvrier, secteur santé, secteur enseignant et le secteur jeune dont j'étais le chef. Et en plus, c'était une organisation en cellules. Il y avait une réunion de cellules par semaine. Mais avant les réunions de cellules, il y avait les réunions de direction. Moi, je faisais partie de la direction en tant que représentant du secteur jeune. Donc, je devais faire un rapport de... Vous dirigez la section jeune de la Ligue communiste révolutionnaire, donc aujourd'hui NPA, pour les Pyrénées-Atlantiques. Oui, puisqu'il y avait Pau, Oloron et même une partie des Landes, puisqu'il y avait même Dax et Mont-de-Marsan, où il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de militants capables. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le parcours de Michel Recanati ? Pour parler de Michel Recanati, il faudrait faire un bon Parce qu'il y a une transition qui s'opère. Alors, expliquez déjà qui est ce Michel Recanati, qui est une figure importante à vos yeux à cette époque. Non, c'est mon alter ego, je dirais. Une espèce de martyr. Des types comme lui et moi, il y en avait quelques centaines. Bon, lui, il a beaucoup plus d'importance, parce que c'est Île-de-France, il était responsable du service d'ordre, c'est une pointure au-dessus. Mais on a été quelques-uns à être comme ça, des militants à part entière, quoi. Et comment il a fini, alors? Parce que c'est ça qui est intéressant. Mais lui s'est suicidé. C'est ça la question. Parce que il se suicide en prison, c'est cela? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Anecdotiquement, je ne sais pas. Mais ce qui l'importe de comprendre ce que j'ai écrit dans ces CCP, il s'est produit un événement que j'appelle le thermidor du gauchisme. Qu'est-ce que c'est, thermidor? C'est la contre-révolution dans la révolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'avant-garde que nous étions, on a subi un processus thermidorien, c'est-à-dire un remplacement de l'avant-garde par toute autre chose. Et ce thermidor, d'ailleurs, s'est produit sous la forme féministe. Il y a eu une submersion du débat. On était tout d'un coup, on passait de discussions sur notre intervention dans la classe ouvrière à faut-il partager les tâches ménagères, la prise de la pilule et tout. C'était absolument dément. Moi, en tant que j'avais quand même une sorte de prestige local, malgré tout, on commençait à m'appeler petit chef. On commençait à critiquer le machisme. Les filles ont voulu faire partie du service d'ordre. Donc elles ont détruit le service d'ordre, etc., etc. Tout ça, il faut le comprendre dans une optique plus large. C'est-à-dire que c'était fini la récréation, la vague révolutionnaire qui avait commencé en 64 à cause de la guerre du Vietnam aux États-Unis, etc., etc., etc. La base etc. de l'engagement. Oui, cette lame de fond qui m'avait, m'avait enthousiasmé quand j'avais à peine 15 ans, c'est terminé. Hein. Il y a eu le Pinochet, il y a eu une réaction. Donc cette réaction dans laquelle nous sommes toujours, hein, tous nos idéaux, le pouvoir de la classe ouvrière, c'était fini. Mais il faut comprendre que ce tournant majeur, ce thermidor, Recanati se flingue. Moi, je me barre. Enfin, je me barre la rage au cœur, hein, et je rentre dans la dépression. Bon, alors je ne sais pas. Si vous voulez que j'explique ce qui m'est arrivé ou je reste objectif. Alors non, mais vous décrivez une trahison de classe. Non, non. En quelque sorte. C'est thermidor. Je tiens à garder l'expression parce que thermidor, c'est pas une trahison. C'est un processus tout à fait objectif qui s'est toujours produit dans les mouvements révolutionnaires. Je crois que l'état de révolutionnaire, ça peut être comparé à un état d'exaltation. Mais comme dans une vie humaine, les états d'intensité, les états d'exaltation sont rares et courts. Et ensuite, il y a toujours une remise. Vous voyez, à plat, c'est un processus anthropique. C'est finalement, je vais faire court, c'est la dictature de la médiocrité qui va finir par s'imposer. Et d'ailleurs, je vais revenir vous parlez du martyr de Recanati, et je voudrais le mettre en opposition avec une autre figure du service d'ordre de la Ligue communiste révolutionnaire de l'époque, qui est Romain Goupil, qui lui a un parcours, alors lui il va bien vivre, et qui va finir par, en 2003, à soutenir la guerre en Irak, qui est devenu exactement un néoconservateur et hystérique, sur le modèle américain. Mais c'est lui qui fait le film sur Recanati. Oui, exactement. Ouais. En plus, ironie de l'histoire. Est-ce que vous... Non, c'est pas une ironie. C'est cohérent. C'est cohérent. Des types comme Goupil, il est militant de la Ligue. Il admire ou il fait semblant. Ça, je m'en fous, ça, de cette psychologie. Recanati. Mais dans ce basculement, lui, il comprend son intérêt. Il fait son alia. Et il va peaufiner son propre être pour être néoconservateur, ultra-sioniste. Hein. Alors, est-ce que à cette époque, vous ressentez la centralité de la question juive à la Ligue communiste révolutionnaire? Parce que beaucoup de choses ont été écrites dessus, notamment Nicole Lapierre, l'épouse d'Edwige Plenel, a dit que la question juive et la question de l'antisémitisme étaient centrales à cette époque à la Ligue communiste révolutionnaire. Non, il y a cette phrase qui a été rendue célèbre, cette blague, sur le bureau politique où on ne parlait pas yiddish parce que Ben Saïd était séfarade. Oui, je sais. Et il y avait une autre phrase qu'on disait, qui n'est pas connue, mais je peux la dire parce que c'est tout à fait authentique. On disait à la Ligue, l'état-major est juif. Les officiers sont protestants, ce qui n'était pas dans mon cas, et la piétaille est catholique. On le disait honnêtement, tout ça pour te dire que franchement, il y a des choses qui n'avaient pas de sens pour nous. Personnellement, la question juive, moi, je n'avais pas de problème parce qu'on était d'un antisionisme parfait. Voilà. On a même soutenu les attentats de l'Aude, là, et les Palestiniens qui ont tué les sportifs israéliens. Oui, à Munich. Alors, et voyez, donc on était. Est-ce que on pouvait pas soupçonner qu'un Weber, un Ben Saïd, tout ça changerait quoi. Est-ce que comme beaucoup, vous datez ce tournant à partir de la guerre? La guerre de Kippour, la guerre de 1973, qui, dans une autre mouvance de l'extrême gauche, disons chez les maoïstes, a entraîné ce qu'on a appelé cette génération qui est passée de Mao à Moïse, en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire l'exemple étant Alain Finkielkraut ou Benny Lévy, qui était Glucksmann. Voilà, qui était Benny Lévy, qui était le secrétaire de Sartre. Et qui a monté ensuite avec Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy une yeshiva, c'est-à-dire une école talmudique fondamentaliste, c'est certain, Jérusalem. À la Ligue, c'était pas pareil. Mais pour les Mao, c'est spectaculaire quand on pense qu'un Glucksmann, il écrivait à la brasserie libre des idiotoriaux dans la cause du peuple totalement enflammés, donc qui ont exalté des jeunes mecs comme celui qui s'est fait Auvernet, Pierre Auvernet, qui s'est fait tuer par un vigile. Ils ont envoyé au casse-pipe une partie importante de jeunes ouvriers quand même, et ces bourgeois juifs qui écrivaient ça à la brasserie Lippe étaient eux intimement savaient qu'ils étaient des sionistes. Hein. Je ne pense pas que, peut-être sauf Weber, je ne pense pas que c'était le cas de Krivine et de Weber, qui était membre du bureau politique de la Ligue communiste révolutionnaire, et qui est aujourd'hui un gros sénateur socialiste bien C'est en place. Sûr que lui, il porte sur sa gueule que c'est un Henri traître. Weber. Mais Ben Saïd, je ne sais pas si. Ben Saïd, lui, j'étais plutôt sympa, je l'ai connu personnellement. Krivine, je ne l'ai pas connu personnellement, je l'ai vu plusieurs fois. Vous l'avez connu dans quelles circonstances, Daniel Ben Saïd? Vous pouvez nous en dire plus hein? Dans des circonstances, il y a sûrement en prescription, on avait des liens avec l'ETA, pas l'ETA militaire quand même, la branche ETA 6, qui était quand même politico-militaire. Donc on avait des aspects un peu clandestins, et Ben Saïd m'avait donné rendez-vous dans une église à Bayonne pour me donner quelques documents que je devais rapporter, etc. Donc, mon souvenir, c'est qu'il m'avait dragué d'une manière d'ailleurs délicate, hein, pas du tout du rentre-dedans. C'est là que je m'étais aperçu qu'il était pédé, ce dont je me fiche, hein, je vous dis. Oui, c'est pas la question. Non, je n'en fais pas. Mais après, quand j'ai appris qu'il est mort du sida, ça ne m'a pas étonné. Mais un type sympa, un type que j'ai apprécié, mais j'étais déçu. Parce que j'étais tellement puritain, tellement idéaliste, que, que ça m'a un peu déçu. Dire à propos d'idéalisme, il y a André Breton, là, je viens de dire récemment qu'André Breton, en parlant de gens comme nous, il parle de ce mot singulièrement trompeur de matérialiste dont se parent des gens qui ne vivent que par l'idéal et par le cœur. Je puis affirmer que nous étions ainsi. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est l'idéal qui nous rédimait. Parce que ce qu'on a fait, c'était complètement sacrificiel. Si vous voulez, je parle un peu de ça. C'est un peu narcissique peut-être, non? Bon, alors je continue. Je peux dire que moi, je suis, toute proportion gardée, tout à fait dans le genre d'un type comme Peggy. Et je crois avoir même un parcours similaire. Puisque toute proportion gardée. Hein. Proportion gardée. Comparaison n'est pas raison. Non, mais évidemment, évidemment. Mais lui dit, il était anti-Dreyfusard, il avait une mystique de ça. Et quand la politique, c'est-à-dire Thermidor, c'est-à-dire la putréfaction, est venue, il s'est rebellé. Et moi-même, j'ai eu un parcours très similaire. C'est-à-dire que j'aurais pu capituler. On me disait, écoute, ça te fait horreur, ces groupes femmes, ces manifs ridicules où les filles se baladaient en gueulant, on veut jouir droit à l'orgasme, prise de pilule. Non, moi, je dirais jamais, je marcherai dans cette combine. Et on m'a dit, attends, sois discipliné. On a un secteur santé où on s'implante. Ce mouvement de masse gagne du terrain, il faut qu'on le chevauche. Donc j'aurais pu capituler en me disant « tu es un bolchevique discipliné ». Et j'ai refusé au nom de quoi finalement? Si je veux bien, je vais employer un grand mot parce qu'il faut être court, au nom d'une transcendance dont j'ai pris conscience, dont je n'en avais pas conscience. Parce que je suis passé de la mystique à la gnose. Je suis passé de la mystique, qui est un état d'exaltation, mais religieux, à un état de connaissance. Sois toi-même. Et donc, si vous voulez, je me suis arc-bouté sur un principe que je portais sans le savoir. J'ai quand même connu un état de dépression. Après, je me suis retrouvé isolé. Et j'étais quand même un chef local, prestigieux, toute proportion gardée encore. Avec les honneurs qui vont avec. Oui. Avec le prestige qui va avec, quand même. Mais attention, je payais de ma personne. Mais après, je me suis retrouvé paumé. J'ai connu une période d'alcoolisme et de malheur. Alors, à ce propos, avant d'aborder votre œuvre plus en profondeur avec Vincent, je voudrais revenir, pour conclure sur le trotskisme, sur des articles que vous avez publiés récemment sur le site d'Égalité et Réconciliation, sur les transformations en cours au Parti ouvrier indépendant. Alors, pour préciser pour les auditeurs, le Parti ouvrier indépendant, c'est le nouveau nom, si on veut, du PT, du Parti des travailleurs, qui lui-même descend d'une branche du trotskisme, qui était incarné par les Lambertistes, c'est-à-dire l'Organisation communiste internationale. Mmh. Vous repréciserez après. L'Organisation communiste internationale qui aujourd'hui a donné, entre autres, Cambadélis, Mélenchon et une partie de la rédaction. Non, ça n'a pas donné, ils ont trahi, il ne faut pas déconner. Il ne faut vraiment pas délirer là. Il y a plusieurs raisons. Non, mais c'est du délire. Donc, ça, vous êtes rapproché au début des années 2000. Donc du Parti des Travailleurs qui est devenu aujourd'hui le Parti Ouvrier Indépendant, donc qui était dirigé par Daniel Gluckstein. Alors pour préciser, Daniel Gluckstein, c'est cette branche du judaïsme français un peu marginale qui sont les descendants du Bund, c'est-à-dire des sionistes, c'est la communauté révolutionnaire juive du château de Corvol. Remarquable d'ailleurs. Hein. C'est une communauté un peu extrêmement quand même en marge du judaïsme français. Hein. Oh, tout à fait. Voilà, on peut le dire comme il est tout à fait sincère. Anti-sioniste. Oui, complètement. Très militant pro-palestinien. Avec un très beau défilé d'ailleurs le 1er mai à Gambetta au mur des Fédérés en hommage à la commune de Paris. Un défilé d'ailleurs très viril, on peut le dire. Ah ben c'est leur look. Hein. Voilà. C'est pas des. On dirait presque des nationalistes. Ils sont rigoureux. Voilà. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Ce sont d'authentiques trotskistes. Ce sont les trotskistes. Voilà. Vous avez publié donc cet article pour les auditeurs, cet article sur la mise sur la touche à l'intérieur du Parti ouvrier indépendant de Daniel Gluckstein. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces évolutions à l'intérieur de la mouvance trotskiste radicale aujourd'hui? Bien sûr, je pourrais le faire, mais je vais le faire. Mais je dois faire, franchement, je dois faire deux ou trois mises au point courtes. Merci. La première, c'est que je ne veux pas être le trotskiste de service parce que trotskiste, je ne le suis pas. Et finalement, je vais vous expliquer justement pourquoi, et ça répond à ta question, je ne l'ai jamais été. Et je ne le suis pas parce que je dois un petit peu approfondir ce que j'ai dit là sur mon parcours. Très brièvement, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai découvert un ouvrage où il était parlé de gynécocratie, j'ai été consolé de mon état de dépression et je me suis trouvé une nature. Donc je suis passé, réellement, je le dis calmement, je suis passé à la droite. C'est-à-dire que je suis au fond un homme qui a une mentalité de droite, mais avec des idées de gauche. Je suis toujours comme ça. Pour en revenir précisément à ta question, en plus je dis je n'ai même pas été trotskiste parce que maintenant je suis plus savant que je ne l'étais à l'époque et je puis affirmer que le courant pabliste, c'est-à-dire de Krivine, n'est pas le trotskisme. Le trotskisme ça a toujours été les lambertistes. Historiquement c'est une vérité. Le courant d'où nous venions était un courant qui avait capitulé en 1951-52 après c'est un courant capitulateur devant le stalinisme, devant la puissance des pays de l'Est et la réussite de l'armée rouge, qui contrevenait au pronostic de Trotsky qui avait dit que la Russie soit redeviendrait capitaliste, soit serait balayée par une révolution prolétarienne. Donc il y avait un pronostic qui semblait faux. Et donc il y a eu tout un courant dirigé par Michel Pablo qui a finalement, par filiation, qui est devenu aujourd'hui la Ligue. Mais je suis obligé... Le NPA. Je suis obligé d'aller vite, hein, on n'a pas trop de temps, parce que c'est un peu complexe, mais par filiation... Qu'est-ce qu'il disait? Il disait le stalinisme finalement construit vraiment le socialisme à sa manière, une manière très bureaucratique, très policière, mais longue. Mais c'est pas notre idéal, mais il le fait, donc on va capituler. Et ils ont prôné la destruction de la 4e internationale et l'entrée. l'entrisme, l'entrée dans les partis communistes, mais en tant que plus à gauche. Hein. Mmh. Et je voudrais vous faire remarquer que Krivine et les autres, ils sortent du PCA. Ils font de la jeunesse communiste révolutionnaire parce qu'en 68, ils s'aperçoivent qu'il y a un mouvement révolutionnaire qui est contre le PC. Donc, ils sortent du PC. Donc, vous voyez, ils viennent du PC, ils quittent le PC pour faire un truc à côté. Mais notre ligne, alors je vais la caractériser d'une manière juste, on était guévaristes, on était putschistes, on était des aventuristes et des gauchistes. On n'a rien à voir avec les trotskistes. Ce que nous disaient les lambertistes, qu'on était des aventuristes, des putschistes et des guévaristes, ils avaient raison. La preuve, cette ligne pourrie, on a envoyé à la mort des centaines de jeunes hommes au Chili, par une ligne totalement de lutte armée, totalement inadaptée, au Chili et ailleurs. En France, on a démoralisé toute une génération de mecs d'avant-garde qui étaient sincèrement dévoués, comme Recanati ou moi-même. Moi, je n'ai pas été démoralisé. Hein. J'ai trouvé autre chose. Mais ce courant politique capitulateur a fini par a donné cette... Allez, je ne sais pas comment dire. Je voulais dire cette merde, comme disons, soyons polis, cette chose qu'est le NPA. Mmh. Donc les vrais trotskistes sont le Parti des Travailleurs, le PT et ce qu'on appelle les lambertistes. Je ne les ai jamais rejoints non plus. Hein. Oui, la crise, tu voulais savoir. Oui, la crise, et puis que vous reveniez un peu sur la différence entre les lambertistes et les pablistes. Ah ben là, je crois avoir souligné, c'est que les lambertistes appliquent d'abord, ils veulent la 4e internationale, ils sont trotskistes, c'est-à-dire ils appliquent encore le programme de transition de Trotsky, et Trotsky, pour eux, c'est toujours un maître, alors que pour NPA, même Besancenot le reconnaît, ils s'en foutent de Trotsky maintenant. Alors la crise du POI, je ne peux pas en dire grand-chose, c'est très grave, hein. C'est beaucoup plus grave qu'on le pense, le POI c'est fini, hein. Enfin, je pense qu'ils vont que la tendance majoritaire, ça vient d'une crise de la 4e internationale justement, et qui vient de se briser en deux, hein. C'est fait, ça sera sûrement formalisé dans le congrès là, qui va venir en novembre, donc la majorité... qui est dirigé par Marc Gauquelin et Lucien Gauthier, qui sont deux historiques de la 4e internationale, et la minorité qui est amenée par Gluckstein, Jean-Jacques Marie. Et dans cette minorité, il y a beaucoup plus de militants de la 4e internationale. Juste pour préciser pour les auditeurs, je fais ça, la 4e internationale... Je fais ça sur demande, oui, ça ne m'intéresse oui, pas. Oui, hein. mais la 4e internationale, pour les auditeurs, c'est le courant trotskiste en opposition à la 3e internationale, qui est le courant communiste stalinien. Qui n'existe plus, qui a été dissous plus. Par Staline lui-même. Qui a été dissous. Voilà, donc... quand Trotsky a fondé la 4e internationale, il a jugé que la 3e n'était pas redressable de l'intérieur. Il a voulu construire... C'est qu'il a jugé que la bureaucratie stalinienne avait franchi un cap après l'Espagne. Personnellement, je pense que ça ne fait pas de moi un trotskiste présent, mais je pense qu'il avait parfaitement raison. C'est l'opinion de George Orwell. George Orwell, enfin d'admirer autant dans nos rangs, partage à 100% l'analyse de Trotsky, parce qu'il l'a vécu. Il l'a vécu dans sa chair. Hein. Voilà. D'accord, alors on va peut-être passer un peu de temps sur vos livres. Hein. Vous avez publié 6 livres chez Contre-Culture. Précisons que vos livres se composent de textes courts, qui sont l'occasion pour vous d'exprimer vos impressions sur l'actualité, de développer vos analyses sur un thème général donné dans le titre du livre. Donc par exemple, le féminisme, le monde arabe, etc. Donc moi, j'ai beaucoup aimé votre style, à la fois précis, concis, très poétique. C'est un style très particulier. Oui, ça c'est vrai. Je m'en rends compte, hein, parce qu'on me l'a dit, et puisque j'en prends conscience. Mm-hmm. Voilà. Le premier de vos livres, c'est Ex-France. Ex-France, oui. Dans lequel vous développez votre grille de lecture qui est, comment la définir ? Bah, je parle, c'est un melting pot. J'ai une écriture très fragmentaire, je ne suis pas capable de didactique, d'être trop... Mais je parle de la réforme territoriale, de l'état objectif de la France. Mais c'est intercalé de textes que je ne peux pas faire autrement. Mais c'est une vision assez sombre malgré tout. Hein. Vous dites par exemple... Bah, Ex-France, le titre, c'est pas clair. Vous dites au début du livre, certaines diatribes pourront paraître cruelles, c'est qu'elles furent écrites dans les flammes. Oui, ça c'est vraiment, c'est mon côté. Hein. Je suis poète, hein, je suis poète. Hein. J'ai toujours écrit de la poésie dans ma vie. Et malgré tout, vous donnez quelques clés. C'est tout ce que j'ai écrit d'ailleurs avant les pamphlets. Hein. Vous donnez quelques clés pour sortir en quelque sorte la France de cette situation. Donc je vais vous citer. Hein. « Seule la fusion nucléaire de la gauche du travail et de la droiture morale permettra d'échapper à la malédiction de la dictature idéologique du capital financier » et produira de la science et de la conscience, ces deux prolégomènes nécessaires de la révolution sociale. Prolégomènes, oui. Prolégomènes. Oui. Il faut commenter, c'était bah oui, pas clair. Ah bon? Pourtant, je En fait, ça rejoint... c'est ma manière de dire gauche du travail, droite des voilà, valeurs. Exactement. À ma manière, quoi. On a l'impression même que vous êtes même plus que droite des valeurs et gauche du travail. Oui, moi, oui. Oui, vous êtes... Je suis ultra-gauche. Voilà, ultra-gauche. Je suis un anarchiste et je suis identitaire. Je suis d'extrême droite dans ma mentalité maintenant parce que je pense qu'il faut, il faut un État césarien fort. Je suis pour ça. Et en même temps, du point de vue du travail, hein, je veux dire, il faut la dictature là maintenant hein, pour balayer toute cette pourriture. À la Chavez. À la Chavez. Et en même temps... Du côté droit, je considère que idéologiquement, ce qu'on appelle la gauche, hein, parce qu'il y a deux exceptions à gauche. Il y a une exception de thermomètre, si on veut. Hein. Plus on va vers le peuple, plus on est à gauche. Plus on va vers le capital, plus on est à droite. Mais aussi une exception, si on met des majuscules, qui sont en gros la tradition et la subversion. Et moi, je suis à fond du côté de la tradition, comme Alain Soral. Et pourquoi vous avez rejoint Égalité et Réconciliation? J'ai rejoint Égalité et Réconciliation pour Alain Soral, parce que je considère que notre époque est singulière, elle est inédite. Je considère que la causalité ne suffit pas à expliquer une époque. C'est pour ça que je dis dans CCCP qu'on est dans une période. Je dis souvent des périodes politiques. Une période politique, elle porte elle-même sa propre nouveauté. Il y a quelque chose d'émergent, il y a toujours du nouveau. Et notre époque est particulièrement singulière. Et là, Alain Soral, c'est un type qui est singulier. Et par son style, et par... et puis aussi, cette fraternité d'armes que j'ai avec lui, c'est que c'est le seul, à ma connaissance, qui s'est mis en face du féminisme et qui a dit non. Bah, personnellement, j'ai connu que deux hommes, c'est lui et moi. Et qui avons dit non à cette marée œstrogéniarde et amazonienne qui est la base de notre asservissement. Et donc, moi, là où il y a Soral, je voulais être là avec un type comme ça. Mais j'avoue que je vais l'avouer. Dois-je l'avouer? Oui, tu vas l'avouer, mon vieux. je parle toujours comme ça. C'est que quand j'ai entendu tous ces trucs sur l'islam, contre le monde moderne, s'il n'y avait pas eu Soral, moi je partais hein, à tire d'aile. Je suis pas, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Tu voulais dire quelque chose, Xavier? Oui, c'était pour revenir sur ce que vous avez développé par rapport au thermidor du gauchisme et la féminisation de la Ligue communiste révolutionnaire. Non, c'est pas la féminisation de la Ligue communiste. Excusez-moi, mais je tiens parfaitement... Au terme. C'est pas du tout la même chose. Je dis que le thermidor s'est produit sous la forme féministe. Un thermidor peut pas se produire sous sa forme franche. Parce que sa forme franche, c'est dire, eh ben voilà, maintenant, on va passer à la capitulation. Donc il y a toujours une forme masquée. Et cette forme masquée, ça a pris la forme d'une pseudo-critique féministe qui aurait eu pour objet, soi-disant, de nous remettre en cause. Mais ce n'est pas forcément féminisé sur le moment. Hein. Et vous avez parlé de tradition. Oui. Et c'est notamment le livre Métaphysique du sexe, oui, paru en 1958, je crois, de Julius Evola, un auteur de tradition s'il en est, qui vous a littéralement ouvert un monde. Oui, et qui m'a réconcilié avec quelque chose que j'ignorais en moi, avec cet aspect un peu de transcendance, qui m'avait permis de dire non au féminisme. Parce que c'est terrible le féminisme, parce que après les menaces politiques, le féminisme, sa première parole, c'est une parole de castration. C'est pour ça que tous les hommes ont capitulé sous mes yeux, parce que le féminisme, il dit une chose que je vais résumer brièvement, il dit la sexualité de la femme, c'est quelque chose de terrible, d'universel, de grandiose. Peu d'hommes sont à la hauteur. Donc l'homme a toujours voulu asservir la femme par la trouille de sa sexualité. C'est un mensonge éhonté. Et donc, mais ça encore, c'était des féministes différents. Oui, mais aujourd'hui, avec donc, le gender, on est dans un féminisme qui nie même la différence entre les sexes, alors qu'à l'époque, moi, c'était un féministe différentialiste. C'est certain. Mais ça, c'est un autre débat. Invitez-moi sur une émission sur le féminisme. Non, ah, c'est une bonne idée. Le rendez-vous est pris. Non, sur la gynécocratie, parce que je pense que c'est un peu une spécialité. Et pour les auditeurs, juste une dernière question, puisqu'en fait, on va devoir achever malheureusement cette émission. Est-ce que vous avez des bouquins en chantier, Félix ? Oui, j'ai quelque chose en chantier. Et justement, le mot chantier est pertinent, parce que si je n'arrive pas à le faire, c'est que je vis au milieu d'un chantier. Je souffre en ce moment, je suis crucifié par les travaux. Les Parisiens adorent faire des travaux, retaper leur immeuble. Il y a un bordel dans mon immeuble tel que le bruit fait que je dégage très tôt. Je prends ma moto, je me barre. Moi, j'écris le matin, je ne peux plus écrire. Le soir, je suis réveillé par... Enfin, le matin très tôt, j'entends la tronçonneuse. Tu portes ta croix. Hein. Je porte là ma croix. Hein. Donc, vous avez la chance que mon prochain sera retardé d'autant. On l'attend. Oh, ben, on l'attend, Félix. Ouais, mais là, je sais, j'avais promis à Julien, notre camarade. Finis-le, comme ça, tu reviens pour le débat sur le féminisme. Je lui avais promis pour septembre. On est en septembre. Maintenant, j'ose même pas lui dire pour Noël. Je sais pas, je suis très, très d'accord, mal. D'accord, ben. Ayez pitié de moi, priez pour moi, parce que franchement, c'est dur. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, cette émission va se terminer. Merci beaucoup, Félix, hein, d'avoir participé. Merci à vous de m'avoir invité. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Moi aussi. J'ai appris déjà, comment ça s'appelle ? La pensée paradoxale. L'injonction paradoxale. Moi, j'ai appris tout sur le trotskisme. Maintenant, je suis incollable. Ça m'étonnerait. Donc, sachez qu'on se donne rendez-vous, chers auditeurs, pour la semaine prochaine. Nous recevrons Claire Sévrac le 14 septembre. Nous parlerons de nouvelles technologies et de santé. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Félix, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.